Pizzicato, pizzicati, Bérangère la plus fine des fées. Pizzicato, pizzicati, avance à petits points comptés. Avec savoir-faire et magie et ses talents de couturière, les étoffes coulent entre ses doigts, ses petites mains pleines de génie réalisent les plus beaux habits. Au fond de l'atelier secret, où résonne un doux chuchotis, Bérangère la plus fine des fées. Pizzicato, pizzicati, avance à petits points comptés. Entre le tulle et l'organdie et toutes les mousselines légères, style de soie, pose des boutons pétales dorés. Habit de fête, habit de fée, au fond de l'atelier secret, où résonne un doux chuchotis. Bérangère la plus fée des fées. Pizzicato, pizzicati, avance à petits points.